Nous servons au-dessus de tout. Ton nom est sublime. Ton nom est puissant. Ton nom est parfait. Ton nom est salut. Ton nom est rédemption. Il est amour. La grâce qui nous sauve. C'est dans ton nom Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Éternellement béni. Que son nom nous guérisse. Amen. Il nous exauce. Il nous rend favorable devant Dieu. Comme ça sommes là, nous sommes dans sa présence. Yambamana, vous oh, laisse tomber nos culpabilités. Amen. Et puis nous disons chaque instant. Change l'église. Mets-le surnaturel sur la terre. Et chacun voit cela. Et chacun croit cela. Et chacun entend cela. Et chacun parle ta puissance. Et ça devient un vrai témoin. Nous sommes au nom de Jésus-Christ. Pour t'abonner et te servir, par la prière et l'explication, tu nous as entendus, tu nous as inspirés, tu nous as oué, Seigneur, et nous sommes rassurés que ton amour est réel, un amour éternel, un amour rédempteur, qui change nos personnes, qui change nos caractères, qui change notre spiritualité, pour nous donner la sainte éternité, qui nous rêve la robe de fête, pour aller au fête de pour nous qualifier dans ce qu'elle est humain, nous distingue et nous tire de la boue du péché. Gloire et louange à toi pour l'éternité. Toi qui vis et règne pour toujours, gloire et louange à ton Seigneur, dans les cieux et sur la terre, dans le tabernacle chrétien, partout dans l'église et dans l'assemblée de la mort. Gloire et louange à ton nom éternel, nous disons notre rempart, notre ancien d'âge, notre refuge, notre consolation, protège notre foi, relève son niveau, parle à nos cœurs par les tours, ouais le prédicateur par ouais l'auditeur chacun pour sa part, nous voulons voir la grâce de cette foi, édifiant notre foi, répondant à nos besoins, répondant à nos questions, opérant le surnaturel, pour permettre que chacun ait une expérience, un témoignage, une action de louange, pour la gloire du Dieu éternel, exauce-nous Seigneur, et rassure nos cœurs. Et tout ça, c'est avec toi. Vous marche plus près de toi. Toi, notre force éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ici pour toi. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter l'exhortation ce soir. Le canal des serviteurs de Dieu qui est en visite parmi nous. Jean Kumwamba. Nous invitons ici à la chaire pour apporter cette exhortation. Bienvenue ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitons tous le bienvenu dans la maison de notre Dieu. Sans plus tarder, tenez-nous debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 13 au verset 8. Je dis Hébreux chapitre 13. Au verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ a jali motindo moko lobi pe le lompe libela. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Zambi apambola ilovanaye. Vous pouvez vous mettre. Okukovanda. Oui, nous allons nous entretenir sur ce petit sujet. Tokosolo la likolo ya likambo ya moke. Pour le faire sortir dans l'histoire. On a combiné ça en quatre masolo. C'est-à-dire, nous devons faire sortir notre Dieu dans l'histoire. Ce n'est pas un Dieu historique. Mais c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait hier là avec les apôtres, c'est ce qu'il continue à faire avec nous aujourd'hui. Mais à condition que vous ayez la foi. Et vous comprenez? Ce qu'il nous demande, c'est la foi. Ce n'est pas un Dieu qui est immobile. Mais c'est un Dieu qui est omniprésent. Qui est le même dans sa force. Qui est le même dans son amour. C'est pourquoi vous remarquerez ceci. Dans Exode chapitre 14. Exode 14. Exode chapitre 14 verset 5, nous commençons. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons pas plus de service. Et Pharaon appela son char et il prit son peuple avec lui. Bongoye abongisaki likalo na ye mpe akamati basoda na ye elongo. Il prit 600 chars d'élite. Et akamati makalo kama motoba. Et tous les chars d'Égypte. Pour ami payons mosusu na Égypte. Il y avait surtout des combattants. Na ba capitaine yango elongo. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Yahweh ayesi motema na falo mokonzi na Egypte makasi. Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Wana ibimaki bango na molende. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux. Ba Egypte ba benganaki bango balatape makalo yonso. Les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Balatan makalo na yonso na falo pe na balatan na yete. Les Athéniens campaient près de la mer vers Aéroth vis-à-vis de Baal Tsephor. Ezwaki bango na esika etelemisaki bango ema na libongo na ngai pe la mungu na ailito na liboso na balesefona. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et il dit à Moïse, n'y avait-il pas d'esprit en Égypte sans qu'il fût besoin que nous menions mourir au désert? Balobina Mose ete maita majangi na Egypte yango wana okambi biso awa ete tokufa na lisobe. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Egypte? Osaleli biso nini wana ebimisi yo biso na Egypte? Mais c'est pas ce que nous disons en Egypte, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Tolovela ki yo boye na Egypte ete si kabiso to sale la ba Egypto, pointe ko sale la ba Egypto, et jalaki malamu, kole kakokufa na lisobe. Moïse répondit au peuple. Mose alobelaki na batoete. Ne craignez rien. Bangate. Restez en place. Le mangui. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. C'est à la lobby qu'on a yawe akosale la yo kona bino lelo. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Pointe ba Egypto yo moni bino lelo. Vous ne le verrez plus jamais. Bokomona bango lisusu soko mokete. Amen. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Ba Egypto vous allez komona lelo. Vous ne le verrez plus jamais. Notre Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà les gens qui étaient dans la première exode. Qui étaient bien sortis accompagnés des prophètes. Mais comme les gardes ne lâchent pas facilement. C'est un incrédule. Après avoir libéré le peuple d'Israël. Moïse s'est décidé encore derrière. Il dit, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous avons libéré? Est-ce que nous n'avons pas rendu service à feu? Alors ils se sont décidés de poursuivre maintenant les enfants d'Israël. Mais Dieu de toute puissance, il voulait montrer sa gloire. Il avait raccourci et quitté l'Égypte vers la Palestine. C'est 65 kilomètres. C'est le 65 kilomètres. Que Jacob avait emprunté pour rejoindre Joseph en Égypte. Il n'avait pas traversé la mer Rouge. C'est le chemin même que les terroristes empruntent aujourd'hui pour aller attaquer Israël. Mais voilà notre Dieu. Il savait pertinemment que si je le sais, ce peuple passait par la raccourci, même les ramassis vont entrer dans la terre promise. Il faut que je les amène maintenant vers les contours. C'est comme ça que notre Dieu a dit à Moïse, partez, prenez le chemin de la mer Rouge. Et Israël a pris le chemin le plus long et très compliqué. Arrivé maintenant là devant, et on a informé Pharaon que ses esclaves ont pris fuite. Pharaon, au lieu de respecter Dieu, il avait la crainte du peuple de Dieu. Il s'est nommé Félix lui-même. Il a engagé toute son armée. Ses élites, il a dit allez poursuivre les. Mais Pharaon ne savait pas qu'il poursuivait les enfants d'Israël pour sa perte lui-même. Israël est arrivé devant lui, c'était la mer Rouge. Et gauche à droite, c'était des montagnes. Derrière lui, c'était l'armée égyptienne. Que le peuple s'est confié à la promesse de Dieu. Et si Kaïk est le beau tétal, il a la canne en Zambé. Ce qu'il avait dit à Moïse, mon ange sera devant toi. Mon ange sera devant toi. Il campera autour de toi. Mon ange te conduira jusqu'à la terre promise. Mais Israël n'a pas tenu compte de tout cela. Israël a vu tout simplement la circonstance. Il a regardé ses ennemis. Il a regardé des montagnes. Il a regardé la mer Rouge. Ils ont perdu maintenant courage. Ils ont commencé à pleurer, plénicher. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à s'alamenter. Comme la Bible dit, la plainte diminue la foi. Amen. La plainte diminue la foi. Mais au milieu d'eux, il y avait Moïse les combattants. Moïse n'a pas regardé à l'armée de Pharaon. Moïse n'a pas regardé à la mer Rouge. Moïse n'a pas regardé de gauche à droite aux montagnes. Mais Moïse a regardé qu'à la promesse de Dieu. C'est pourquoi ce soir, ne me regardez pas. Ne regardez pas votre pasteur. Tournez vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la promesse de l'heure. Jésus-Christ, c'est infaillible. Jésus-Christ, c'est la promesse de toutes les promesses. L'homme faillira. L'homme faillira. Mais Jésus-Christ ne faillira jamais. Jésus-Christ, c'est ceci. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et vous ne verrez ça qu'en plus. Ne considérez pas les circonstances. Considérez tout simplement l'œuvre du calvaire. Amen. Le calvaire, il a dit, Père, tout est accompli. Soyez libres. Prenez courage. Ne regardez pas aux yeux visibles. Mais regardez aux invisibles. Ne soyez pas comme Géasi. Il a vécu longtemps avec le prophète Élisée. Mais qu'il comprenait pas la puissance de Dieu d'Élisée. C'est la même chose avec vous. Depuis longtemps que vous êtes dans cette assemblée, vous n'avez jamais expérimenté les yeux de David Chibangu. Vous n'avez jamais expérimenté les yeux de David C'est ça votre difficulté. Mais enlevez votre crédulité. Enlevez votre doute. Enlevez votre pierre. Vous verrez la grandeur de votre Dieu. Quand les Syriens sont venus envahir la ville, la maison du prophète, Yazi est sorti, il a regardé, il a vu l'armée syrienne autour de la maison. Il est allé dire, oh non, non, papa, nous sommes en danger. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il dit, venez voir, il dit, quoi? Il y a une armée derrière. Regardez pas ce qui frappe aux yeux. Regardez à l'homme visible. Regardez à la promesse de Dieu. Il ne change jamais sa parole. Il tient sa promesse. Il a fait cela. Et vous verrez la même puissance de Dieu. Il a demandé c'est quoi? Mais vous ne voyez pas. Alors vous allez commander à quoi? Il y a une armée. Ils allaient m'appinga. Quand le peuple a commencé à s'alimenter, à s'agiter, Moïse a dit, gardez silence. Vous allez la chimia. Ce soir, gardez silence. Ah, restez kimia. En place. Vous ayez la foi. Vous allez la condima. C'est possible à celui qui croit. Non, c'est ces Égyptiens que vous voyez, bah, ici, putain, vous ne les verrez plus encore. Au commun, à Bango, le souffle. Tous les démons qui vous ont tourmenté. Madame, on a la maladie qui vous a fait souffrir. La situation que vous avez. Les questions glissées que vous avez envoyées. Oh non, c'est Jésus. Ayez la foi. Vous allez la condamner. Vous l'avez reçu. Vous l'avez accompli. Vous ne doutez pas. Tous les démons vont mourir aujourd'hui dans la mer. Tous les démons vont se combattre aujourd'hui. C'est que Jésus a vaincu. Il vous a fait vaincre. C'est vous qui avez dit. C'est lui qui est en vous. Vous allez quatre amis. C'est lui qui est dans les morts. Vous allez quatre amis. Ayez foi en Dieu. Moïse a dit. Vous allez garder silence. Vous allez quitter. Vous allez quitter. Vous allez vous faire quitter. Notre Dieu n'est pas un monstre. Zambé n'a pas allié l'imaté. Ne regardez pas à la grandeur ou à ce que le médecin vous a dit. Regardez la promesse de Dieu. Il a dit, dans ce maîtrise, nous sommes déjà guéris. Il parle tout seul. Ce n'est pas la parole du pasteur, mais c'est la parole de Jésus lui-même. C'est Dieu qui tient sa promesse. Gardez silence. Restez en place. Ayez mon courage. Vous allez vous mettre en Dieu. Vous avez déjà demandé. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Et tout est possible à celui qui vous a dit. Et toutes ces difficultés, toutes ces sorties-là, tous tes ennemis, toutes tes maladies, aujourd'hui, au nom de Jésus, ça va mourir dans la mer. Et tout simplement la foi. Et Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Parle tout simplement. Et l'enfant de Dieu n'est pas plaintif. Que mille Ne regarde pas la réponse de tes voisins. Les charlatans. Pour vous dire non, il fait le premier jour. Non, celui qui a le dernier mot dans la vie d'un chrétien. C'est ce que je veux. Pas question de quelqu'un d'autre. Alors ne regarde pas des circonstances. Ne regarde pas des symptômes. Ne regarde seulement l'œuvre du calvaire. C'est là où nous avons reçu tout. La réponse de tous les autres. Vous voyez seulement l'œuvre du calvaire. Il a dit, tout ce que vous demanderez en prière par la foi, vous le ferez accompli. Que le diable ne puisse pas vous venir, vous donner maintenant des doutes et des raisonnements. Non, vous voyez que vous avez réussi ce que vous lui avez demandé. Et vous avez demandé souvent sa volonté. Et vous avez dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Après, je le ferai. Après, je le ferai, soit glorifié. Recevez tout ce que vous avez demandé. Allez dans la paix du Seigneur. Vous résistant. Vous voyez que Jésus vous a déjà délivré. Et vous a répondu. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Oui, vous avez dit tout ce que vous et que cette portion chacun amplifie cela. Parce que nous recevons chacun selon son expérience, selon son âge spirituel et selon ses attentes. Selon ses prières aussi. Dans le sermon, pourquoi s'écrit parle. Et cela exploite aussi en partie la séquence de la parole qui a été lue ce soir. Dans le chapitre 14. Vous voyez. Du verset 5 au verset 13, ça a été lu ce soir. Ça y est déjà là. C'est ton tableau d'ailleurs. Ça y est là. Ça y est là. Le deuxième passage qui a été lu. Alors, dans les sermons, pourquoi s'écrit parle, Abraham a dit que l'Église ne fera jamais de progrès. Si elle n'a pas, tant qu'elle n'a pas été mise au contact du surnaturel. Et que l'Église ait vu que le surnaturel est quelque chose de réel. Auquel vous pouvez parler. Et qui peut vous répondre. En confirmant la parole écrite. Ce n'est pas seulement dire le surnaturel, j'ai un témoignage, j'ai une expérience. Mais la réponse du surnaturel doit être celle qui confirme la parole écrite de Dieu. Et de nous dire ce que tu donnes comme expérience, ça confirme quelle parole dans les Écritures. Que Dieu nous aide. Toi croyant. Tu ne feras jamais de progrès. N'entendez pas seulement expérimenter le Dieu de Pasteur David. Donc, plus fort que ça, il doit être mis au contact surnaturel. Contact. Toi et le surnaturel en contact. Si ce contact n'a jamais eu lieu, il ne fera aucun progrès. Tu vas commencer à compter le nombre d'années à l'église. et le nombre de conflits avec les membres d'église, et le nombre de déceptions que tu as rencontrées depuis que tu es dans cette église, ton cœur sera rempli d'amertume, là où Dieu attend l'amour divin, ton témoignage sera négatif, là où le croyant est positif, il sera bourré de maladies, là où la promesse que Dieu attend de toi, la bonne santé, tu seras bloqué dans la masse spirituelle, là où Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, ce progrès là. Chacun et toute l'église doit être mis au contact du surnaturel. Et vous devez voir que le surnaturel est réel. C'est quelque chose auquel vous pouvez parler et que ce bonheur n'est pas seulement à vous écouter, mais c'est quelque chose qui peut vous répondre par une réponse vaille que vaille en confirmant la parole écrite. Et ça, ça déclasse tous les fantaisistes, tous les sensationnels, les tapalènes dont nos églises sont remplies maintenant. On a des témoignages sensationnels qui n'ont aucun fondement dans la parole, qui n'édifient en rien. Or l'exhortation ici, c'est les faire sortir de l'histoire. Si vous devez le faire sortir de l'histoire, alors que lui, il est surnaturel, et qu'alors, vous devez entrer en contact avec le surnaturel. Vous devez expérimenter le Dieu surnaturel. Et le Dieu surnaturel est celui que je crois. Le Dieu surnaturel est celui que je prêche. Et c'est celui que vous êtes censé croire. Non pas pour venir soutenir des histoires, ou admettre n'importe quoi, ou commencer à croire n'importe quoi, mais c'est pour croire la parole écrite. Est-ce que nous sommes là ensemble? La parole écrite. Alors, si tu n'as jamais été en contact avec le surnaturel, je prie que Dieu te fasse grâce. Et l'exhortation de ce soir, je pense que ça va dans le même sens. La situation que je viens de vous donner ici, dans pourquoi c'est écrit, je l'ai évoqué dans ma prière de ce soir même. Prions pour chacun de vous, pour nous tous ici. Les enfants de Dieu, que le Seigneur leur accorde cette grâce. Quand le prédicateur a pris ce titre, moi, je veux que c'est déjà une des réponses. Azwaki, maman, le chemin qui nous mène à ça. Et la parole est le chemin. Donc quand nous prions, nous voyons des fois les signaux que Dieu nous a écoutés. Le faire sortir de l'histoire. J'ai réclamé pour toi mon frère, notre église ici, que Dieu nous mette au contact des souverains. Que chacun de nous fasse ce progrès-là. Que cette église fasse ce progrès-là. Je crois que Dieu m'entend. Et c'est moi qui a une réponse transitionnelle. C'est ça là. Et donc aussi c'est ça, Dieu sort de l'histoire, il est surnaturel. Et le prédicateur a dit cette phrase pendant la prédication, notre Dieu, il est surnaturel. Est-ce que quelqu'un l'a entendu aussi comme moi? Notre Dieu, il est surnaturel. Moi, je préfère dire, Jésus est édifié. Que Dieu soit béni. Et toi aussi dans tes prières de ce soir, as-tu des éléments de réponse? Même si ce n'est pas bien un miracle spectaculaire, mais après aussi, comme moi, une réponse transitionnelle. Donc, nous passons par là pour atteindre notre état. Il faut passer par ici, et puis par là, et puis aller. Écoutez, je termine par ce témoignage. Élie, quand il devait être enlevé au ciel, la grande expérience, c'était son enlèvement. Mais où est-ce que Dieu l'a conduit? Dieu l'a amené d'abord à Gilgal. Et puis de là, il l'a conduit à Bethel. Et de là, il l'a conduit au Jourdain. Et après la traversée du Jourdain, c'est la montée. Voilà ce que j'appelle réponse transitionnelle. Là où il veut aller, c'est au ciel là-haut. Et Dieu commence à l'amener d'abord ici. Et de là, il va maintenant ici. Et après, ça va là-bas. Et de là, allez. Allez. Si tu es en chemin, tu vas atteindre le but. Dieu, à qui tu as adressé les prières, et tu peux commencer à voir les signes des réponses, parce que tu es dans le bon. Par sa grâce, tu y arriveras. Comme il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière maintenant. Oh pauvre cœur, de contacter le surnaturel, d'expérimenter ce Dieu surnaturel, qu'il ne soit pas une théorie d'histoire pour toi, un Dieu des temps passés, dont on aura la nostalgie et les souvenirs, mais qu'il soit le Dieu de ta vie, rocher de ton salut à toi, ton frère régénérateur, ton rédempteur en réalité, celui qui écoute et répond à tes prières. Prions chacun. Laisse que Dieu marche près de toi. Alors que tu veux marcher près de lui. Il est le garant de la nouvelle alliance. Amen. Une alliance éternelle. Une alliance de paix. Qui vous garantit le bonheur. Amen. Dieu ne viole jamais son alliance. Il confirme toujours ses promesses. Le Dieu surnaturel. Il est aussi immuable. Pour agir de façon inattendue. Il te conduira pas à pas. Jusqu'à la pleine réponse. Jusqu'à la joie parfaite. Jusqu'à la pleine satisfaction. Que tu sois fier de son nom. Honoré par ta foi. Béni d'avoir cru. Consolé de le connaître. Ah, tu pourras dire, je sais en qui j'ai cru. Et il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. Il a la puissance de le faire. Dieu tout-puissant, notre Père céleste, Dieu vivant, Père éternel, Dieu surnaturel, Dieu immuable, agissant de façon inattendue. Nous ne voulons pas d'un Dieu historique, d'une religion sans puissance, d'une religion préhistorique. Nous voulons le Dieu d'actualité, le grand Jésus parmi nous, le Dieu de Moïse, de Paul, le Dieu de Branham et de tous les chrétiens, fais ça à la rencontre des hommes, manifeste le surnaturel pour que cette église entre en contact, que chaque frère entre en contact, que chaque soeur entre en contact avec le surnaturel, au nom de puissance réelle à laquelle il peut parler et qu'il va répondre pour confirmer la parole. Oh Seigneur, Sors de l'histoire. Tu es l'œuvre 13-8. Tu es la première aujourd'hui après tout. Tu es avec nous. Comme tu as été avec Israël. Comme tu as été avec les chapeaux. Comme tu as été avec William Branham. Tu es avec nous. Où sont ces prodiges? Où sont ces miracles? Passe le ciré d'apprentissage. Passe la part. Étape par étape. Nous ne voulons pas forcer ta main. Nous ne voulons pas détenter Seigneur. Mais nous appelons sur la terre. Le bâtissant de Jésus-Christ. Le sang qui nous couvre. Qui nous a culpabilité. Nous rendons agréable à Dieu. Le Saint-Emmanuel. Nous venons sur base de ce sang. Pour réclamer les droits du calvaire. Les droits que tu as conquis pour nous. La victoire que tu as rachetée pour nous. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ et chaque jour de notre vie, nous réclamons ces choses et te bénissons d'avance, glorifions d'avance ce que tu nous as écouté, ce que tu nous as exaucé. Selon ta parole écrite et que les effets se succéderont jour après jour pour témoigner que le surnaturel de Dieu est une réalité, que l'action de Dieu est une réalité et que de nos jours il peut susciter des témoins. Il peut faire de nos yeux des témoins. Faire de nos oreilles témoins. Des œuvres merveilleuses de Dieu. Des miracles du Seigneur. Des prodiges du Dieu vivant. Des œuvres de puissance. Il a accompli parmi les fils des hommes. Et nous appelons le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Dame, à Pambolabino. Veuillez vous asseoir.